oh oh oh. La prochaine fois tu feras sûrement plus attention. Sors tes bifras, tous ces tracas et toutes ces tensions. Fatou Mata, Fatou Mata, elle t'a maté. Et que t'as tenté de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Cette nuit risque de te hanter. Fatou Mata, elle t'a maté. Et que t'as tenté de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Non, non, non, non, ne pleure pas, Fatou Mata, non, ne pleure pas, Fatou Mata, non, ne pleure pas, Fatou Mata. Ne pleure pas, Fatou Mata, non, ne pleure pas, Fatou Mata, non, ne pleure pas, Fatou Mata. Pendant que tu vois ta vie s'étaler, oh, dans les médias, tu te dis que l'addition est salée, oh, dans l'immédiat, car elle a peut-être menti, ou dit la vérité. Mais une chose est sûre, c'est que tu n'es pas prêt de l'oublier. Fatou Mata, Fatou Mata, elle t'a maté. Dès que t'as tenté de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Cette nuit risque de te hanter. Fatou Mata, elle t'a maté. Dès que t'as tenté de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Elle t'a maté, Fatou Mata, elle t'a maté. Et toi tu m'attrais là. Fatou Mata, Fatou Mata, elle t'a maté. Dès que t'as tenté de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Cette nuit risque de te hanter. Fatou Mata, elle t'a maté. Dès que t'as tenté de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Fatou Mata, elle t'a maté. Dès que t'as tenté de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Cette nuit risque de te hanter. Fatou Mata, elle t'a maté. Dès que t'as tenté de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Bonjour, il est 6h, bonne fête à Émilie et à Amélie. Ah mais oui, et le soleil est là. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. En karaté, c'est une performance considérable pour la Calédonie. Les quatre seniors vainqueurs d'une médaille d'or ce week-end dans Mindak participeront donc aux Jeux mondiaux de karaté. Ça sera en juillet 2017 au Pérou, du jamais vu. Le vent a manqué pour la 9e édition de la Blues Cops Race. Manolo Barley sur son kitefold s'est montré le plus rapide pour allier Lance Vata depuis le phare Amédée. Puis à noter la victoire de Clément Colmas en stand-up paddle. Il a mis un peu moins de 2 heures. Les secours ont été appelés en fin de journée samedi à Lillomètre suite au malaise d'un visiteur en balade sur l'île. Malgré l'intervention des secours, l'homme âgé d'une soixantaine d'années est décédé. Puis on prend des nouvelles de Mathilde, la jeune fille fauchée à Lance-Vata il y a un mois. Eh bien, elle est en phase de réveil. Les médecins ne se prononcent pas sur les séquelles qu'elle pourrait avoir. Le chauffard, lui, reste introuvable. Le salon de Limoux a eu du succès. 4000 visiteurs sont venus, c'est 1000 de plus que l'année dernière. Et puis l'ancien président Jacques Chirac, 84 ans, a été admis dimanche à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière pour une infection pulmonaire. Apparemment, il est conscient. Et puis en l'espace de 12 heures, samedi, 3 événements ont ravivé la crainte d'attaques terroristes aux États-Unis à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Enfin, le parti au pouvoir russe, si uni, a largement remporté les élections législatives organisées dimanche en Russie avec 44,5% des voix. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Dicos, Zico Païta et Point Boot. Allez, après le dimanche en mode doux, ce sera le lundi en mode dur avec nous. Ok les gars. Pour tout le monde, le mode dur. Allez, c'est bon, ouais. Bah, on va essayer de vous le rendre plus doux en tout cas ce lundi. Ça pique les yeux, hein, ce matin. Un petit peu. C'est le froid. Mais non, c'est le beau week-end qu'on a eu. Ah bah oui, on a plein des étoiles dans les yeux. Des étoiles, il y en aura également bien prochainement sur la scène du Centre Culturel du Mont d'Or, le spectacle Elle qui, on vous fera gagner des invitations pour les 25 ou 29 septembre prochain. Et puis d'autres cadeaux tout au long de la semaine sur Énergie. Vous êtes avec nous, on est bien avec vous. Cadeau, tiens, qui a eu le premier disque d'or de la chanson française? Dalida, je sais pas. C'est vrai? Bah, et quand t'es fan, toi, tu peux pas t'en empêcher. Bah, elle sait tout. Elle sait même que c'était un 19 septembre, forcément. Ah. Mais de quelle année? On va y revenir dans un instant. Tout de suite, c'est See You Like Stop Us. Un jour, un événement. Et ce 19 septembre 1957, c'est le premier disque d'or de la chanson française. Qui est-ce qu'il remporte ce disque? Eh bien, c'est Bambino. Le premier titre de Dalida s'intitule Madonna, mais oui, elle devra attendre son troisième 45 tours pour obtenir les faveurs du public. Matraqué pendant des mois sur Europe 1, Bambino est le premier disque d'or de la chanson française. Il récompense l'artiste pour 300 000 exemplaires vendus. Mon petit Bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et nous, c'est le ciel de Nouvelle-Calédonie qui nous sourit. On fera un point tout à l'heure à 6h20. D'ici là, il y aura d'autres choses à vous raconter, notamment l'info média. Et puis, il y a aussi les journées internationales du jour. Énergie Nouméa, 93.5.

You're my star, you're my run for pink rasta. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. C'est aujourd'hui, en ce 19 septembre, la journée internationale du parler pirate. Mais oui, depuis 1995, c'est un jour bien connu de tous les amateurs de piraterie. C'est en effet le International Talk Like a Pirate Day. Et oui, la journée du parler pirate. Pourquoi ? Cette journée, en fait, n'est pas pour une fois instaurée par les Nations Unies. Non, non, elle a été instaurée par deux jeunes amateurs de corsaires au sens de l'humour débordant. L'événement a pris une visibilité internationale grâce à l'intervention de l'humoriste américain Dave Barry, qui, séduit par l'idée, offrit une importante couverture médiatique à cette manifestation. Et le 19 décembre est dorénavant le moment idéal pour se faire plaisir en parlant pirate sans passer vraiment pour un bachibouzouk. Mais c'est aussi l'occasion rêvée de profiter des manifestations organisées pour l'occasion. Elles sont pas hyper nombreuses, mais il y a par exemple le célèbre port pirate de Key West, situé en Floride, qui met en place un festival comprenant chant, comédien et même navigation. Alors, sans se prendre pour le capitaine Haddock, parce que lui, il savait parler pirate, nous, on va vous parler de la météo. C'est bon aussi pour les marins. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Étudiants, futurs étudiants, les aides de la province sud, c'est en ce moment. Va voir sur tazar.nc. Qu'avez-vous prévu pour les prochaines vacances scolaires d'octobre ? Inscrivez vos enfants au stage de l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie. Ils ont entre 6 et 14 ans. Faites-leur découvrir les arts du cirque dans les règles de l'art. Acrobatie, jonglage, équilibré aérien. Deux périodes de stage sont proposées à la salle Ernest Véré à Nouméa. Renseignements et réservations au 28 76 78. La 7 Païta, un espace conçu pour les professionnels et les artisans des métiers de l'eau. VRD, assainissement, adduction, plomberie, mais aussi gros œuvres, outillage et irrigation. Pour construire, rénover ou s'équiper, la 7, c'est le tout en un des matériaux de construction à Ducos. Païta, Coné, Lifou et sur www.7.nc. Au revoir, Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 41. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 41. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage au sort le vendredi 30 septembre à midi en direct sur Énergie. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Les prévisions établies par Météo France. Ce matin, grand beau temps avec un large soleil qui domine. Dans l'après-midi, le beau temps persiste. Des nuages issus de la chaîne débordent parfois vers le littoral, mais ne donnent pas de précipitations. Sur l'ouest, les brises de sud à sud-est se rapprochent des 10 nœuds. Ailleurs, le vent d'est à nord-est oscille entre 5 et 10 nœuds. Nous aurons des températures maximales qui sont plus élevées que la semaine dernière. Elles seront comprises dans la fourchette de 26 à 29 degrés, voire 30 sur l'ouest. Et le temps hier au plus chaud à Nouméa, c'était à 13h avec 24,7 degrés affichés. Mardi et mercredi, poursuite du beau temps très ensoleillé, hormis sur l'extrême sud où mercredi, des nuages et éclaircies alternent et quelques gouttes sont même possibles. Des toutes petites. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. You can take a bite, a smile. such a love child. And every man in this place would love to be in her space. As the night settles down, she'll meet a lot of clever clowns. And I'll do my best to be better than the rest. She is so, so sweet and tender. And I'm glad, so glad I made her. She's so, so sweet and tender. And I'm glad, so glad I made her. Oh, wow. Oh, wow. Love that girl. Like a dream to me. Then she gives me this kiss that gave my whole body a twitch. See, you're just so much more than pretty. Gave my heart an eclipse. She is so, so sweet and tender. No. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Energy, il est 6h30. On souhaite une bonne fête à Émilie et à Amélie. Toute l'actu de la matinée sur Energy avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. En karaté, Mindak a assuré ce week-end à l'Arène du Sud. Pour ses derniers Océania, l'ancien vice-champion du monde s'est logiquement emparé du titre kata sous les yeux des siens samedi à Païta. Mindak, 33 ans, devant celui qui désigne comme son successeur Arnaud Saturnin. C'est une performance considérable donc pour la Calédonie. Les quatre seniors vainqueurs d'une médaille d'or ce week-end, donc Mindak, mais aussi Kevin Pognon, Kenny Guilhem et Jean-Emmanuel Faure participeront aux Jeux mondiaux de karaté en juillet 2017 au Pérou, du jamais vu. Le vent a manqué pour la 9e édition de la Blue Scops Race. Manolo Barlet, sur son kite foil, s'est montré le plus rapide pour rallier l'Ansvata depuis le Faramede en 22 minutes et 19 secondes. Il ne battra pas le record de la Blue Scops Race détenu par Maxime Nocher en 20 minutes et 42 secondes depuis 2014. A noter que seulement 10 kite foil et 2 windsurf ont pu faire la course en raison du manque de vent. Puis à noter également la victoire de Clément Colmas en stand-up paddle. Il a mis un peu moins de 2 heures. Et puis on prend des nouvelles de Mathilde, la jeune fille fauchée à Lansvata. Cela fait un mois que cette jeune infirmière de 23 ans se bat pour sa vie et sa famille pour la vérité. Elle a subi d'importantes opérations du crâne, de la mâchoire et du poumon. Elle est en phase de réveil. Les médecins ne se prononcent pas sur les séquelles qu'elle pourrait avoir, car elle a d'importantes importante lésion cérébrale. Le chauffeur qui a pris la fuite, lui, reste toujours introuvable. La famille demande à ce que cette personne se rende aux autorités. Dans le reste de l'actualité, Jacques Chirac est hospitalisé de retour à Paris en provenance du Maroc où il séjournait avec son épouse Bernadette. L'ancien président, âgé de 84 ans, a donc été admis dimanche à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière pour une infection pulmonaire. Alors que, comme à chacune de ses hospitalisations, les rumeurs les plus alarmantes circulent sur son état de santé, une source proche de l'ancien président a précisé que Jacques Chirac était conscient. Enfin, à l'espace de 12 heures samedi, trois événements ont ravivé la crainte d'attaques terroristes aux États-Unis à moins de 2 mois d'élection présidentielle. Samedi matin d'abord, une petite bombe artisanale dissimulée dans une poubelle a explosé dans une station balnéaire du New Jersey. L'engin était visiblement programmé pour exploser au passage d'une course à pied organisée par les Marines américains. Mais le départ de la course ayant été retardé, l'explosion n'a fait aucun blessé. Samedi soir ensuite, aux alentours de 20h30, une puissante explosion a secoué le quartier très fréquenté de Chelsea, en plein cœur de Manhattan. La détonation survenue, semble-t-il, dans une benne à ordures a fait 29 blessés légers. Et toujours samedi soir, alors que les télévisions américaines couvraient en boucle l'explosion de New York, un homme vêtu d'un uniforme de garde de sécurité a poignardé et blessé 8 personnes dans un centre commercial du Minnesota. Selon la police, l'homme aurait fait des références à Allah. Il a été abattu par un policier et dimanche, l'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Feeling, a feeling indescribable, you know. Don't let me go. It's creeping up into my veins, flowing straight to my heart like butterflies. It's you and I. When you wrap your hands around my waist, love that fills the place, it gets addicting. Oh, it's addicting. Starry skies, if I can see the universe in your eyes, in your eyes. And if you leave, the music stops, and all the chords and lyrics of this song sound wrong. When you wrap your hands around my waist, the love that fills the place, it gets addicting. Oh, it's addicting. time. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish plan. Avec l'extraordinaire Leila. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. L'horoscope sans plus tarder, puis on revient avec Sarah Bareilles. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, bon début de semaine, le lundi 19 septembre et votre horoscope avec les béliers. En couple, vous retrouverez le goût d'échanger vos impressions, de partager vos ressentis. Taureau, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous démarrez la semaine avec une très belle relation. Gémeaux, vous ferez preuve de créativité ainsi que d'une énergie à toute épreuve. Cancer, coup de tête, décision rapide, des émotions sont à bannir au travail si vous ne voulez pas vous en mordre les doigts. Lion, à deux, vos rapports se feront plus passionnés, plus sensuels. Les bouderies seront vite oubliées. Vierge, une activité physique vous aidera à vous débarrasser des tensions qui persistent. Balance, aujourd'hui, il vous faudra du neuf, du rocambolesque, du romantique, sinon vous vous ennuierez. Scorpion, vous aurez en réserve de quoi impressionner, de quoi enthousiasmer. C'est un bon début de semaine, Sagittaire. Pensez à vous extérioriser, à étaler vos projets à la maison pour impliquer vos proches. Cancer, toujours à la recherche de l'âme sœur. Vous la trouverez si vous savez regarder autour de vous. Les jours se suivent, les Verseaux, et il souffle toujours un vent de bonheur sur vos amours. Les Poissons, le succès personnel installe de la discorde avec vos meilleurs amis. Ils estiment que vous les laissez tomber. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville.

Alors écoute Mimi Sourire pour des dents en bonne santé, évite les produits sucrés. Ceci est un message de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Energy Box, c'est le rendez-vous des stars sur énergie. Avec Le Coin du Capitaine, leader dans la vente de bateaux neufs et d'occasion, téléphone à 26 12 50. Un nouveau film, une nouvelle tournée, de nouveaux singles ou albums, Energy Box donne la parole aux artistes afin de détailler leur actualité. Avec Le Coin du Capitaine, envie de prendre le large? Louez dès maintenant votre bateau à moteur ou à voile au Coin du Capitaine. Téléphone 26 12 50. Nouvelle-Calédonie. J'écoute l'énergie partout. Énergie. It's music only. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go. I just want you closer. Is that alright? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders, no. Lay down beside me. And sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Avec un Coca-Cola bien frais, savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du parler pirate, Mille Sabords. Et puis la journée nationale de la santé de la peau. Bonne fête à Émilie et à Amélie. Il est 7h. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Quatre Calédoniens sont qualifiés pour les mondiaux de karaté, puis Jacques Chirac est hospitalisé après une infection pulmonaire. Enfin, trois événements ont ravivé la crainte d'attaques terroristes aux États-Unis. Nous sommes le lundi 19 septembre et pour une fois, bien c'est le sport qui commence ce journal avec le karaté. Mindak qui a assuré ce week-end à l'Arène du Sud. Et pour ces derniers Océania, l'ancien vice-champion du monde s'est logiquement emparé du titre kata sous les yeux des siens samedi à Païta. Mindak, 33 ans, devant celui qu'il désigne comme son successeur. Arnaud Saturnin. C'est une performance considérable pour la Calédonie. Les quatre seniors vainqueurs d'une médaille d'or ce week-end, dont Mindak, mais aussi Kevin Pognon, Kenny Guilhem et Jean-Emmanuel Faure participeront aux Jeux mondiaux de karaté en juillet 2017 au Pérou, du jamais vu. Le vent a manqué pour la 9e édition de la Blues Cup Race. Manolo Barlet sur son kite foil s'est montré le plus rapide pour allier à Lanzata depuis le Faramédé. En 22 minutes et 19 secondes, il ne battra pas le record âgé d'une soixantaine d'années et décédé. Les analyses sont en cours pour déterminer la cause de l'accident qui pourrait faire suite à un malaise cardiaque. On prend des nouvelles de Mathilde, la jeune fille fauchée à Lanzata. Cela fait un mois que cette jeune infirmière de 23 ans se bat pour sa vie et sa famille pour la vérité. Elle qui a subi d'importantes opérations du crâne, de la mâchoire et du poumon est en phase de réveil. Les médecins ne se prononcent pas sur les séquelles qu'elle pourrait avoir car elle a d'importantes lésions cérébrales. Le chauffard qui a pris la fuite reste toujours introuvable. La famille famille demande à cette personne de se rendre aux autorités. Plus de 700 hectares en feu à Ouégua. Deux incendies se sont déclarés ce dimanche dans le secteur de Ouégua, au nord de la Grande Terre. Le premier qui a brûlé près de 25 hectares à un moment inquiété du fait de la proximité d'habitations, avant d'être maîtrisé dans l'après-midi, notamment grâce à l'intervention d'un hélicoptère bombardier d'eau. Le second était toujours en cours hier soir et serait étendu sur plus de 700 hectares. Aucune habitation là, en revanche, n'est menacée. Le Medipôle de Coutou a fait carton plein ce week-end. 145 personnes. On rentre dans un nouveau siècle pour le territoire au niveau médical, quoi. Tout est informatisé, robotisé. Bon, j'espère que la place de l'humain est quand même préservée. Et le salon de l'immobilier a lui aussi eu du succès. Et la pierre n'a pas perdu son statut de valeur refuge, lancé jeudi soir en présence des institutionnels et professionnels du secteur. Le salon de l'immobilier des Nouvelles-Calédoniennes a fermé ses portes hier après-midi sur un bilan positif. 4000 visiteurs sont en effet venus à la rencontre des exposants et des intervenants et des ateliers. C'est 1000 de plus hein, que l'année dernière. Dans le reste de l'actualité, Jacques Chirac est hospitalisé. De retour à Paris en provenance du Maroc, où il séjournait avec son épouse Bernadette, l'ancien président Jacques Chirac, 84 ans, a été admis dimanche à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière pour une infection pulmonaire. Alors que, comme à chacune de ses hospitalisations, les rumeurs les plus alarmantes circulent sur son état de santé, une source proche de l'ancien président a précisé à l'AFP que Jacques Chirac était conscient. Depuis son départ de l'Élysée en mai 2007, Jacques Chirac, qui avait subi un accident vasculaire cérébral en 2005, a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises et notamment pendant une quinzaine de jours en décembre 2015, déjà à la Pitié-Salpêtrière pour affaiblissement. La crainte d'attentat est ravivée aux États-Unis. En l'espace de 12 heures, samedi, trois événements ont ravivé la crainte d'attaque. Découvrez en boucle l'explosion de New York. Un homme vêtu d'un uniforme de garde de sécurité a poignardé et blessé 8 personnes dans un centre commercial du Minnesota, dans le nord des États-Unis. Alors, selon la police, l'homme aurait fait des références à Allah. Il a été abattu par un policier. Dimanche, l'attaque a été revendiquée par l'État islamique. En Russie, le parti de Vladimir Poutine sort largement vainqueur des élections législatives. Le parti au pouvoir Russie Unie a donc largement remporté les élections législatives organisées dimanche en Russie avec 44,5% des voix. Russie Unie, le parti donc du président russe Vladimir Poutine, avait obtenu 49% lors des précédentes législatives en 2011 et il devancerait ce dimanche le parti d'extrême droite, le LDPR, en hausse de 4 points par rapport à 2011 et le parti communiste russe, une baisse lui de 5 points. On termine par une info insolite. Je vais redire Vladimir Poutine, ouais. Voilà. Ma langue a fourché. Je vais te parler d'un randonneur hongrois qui a posté une photo d'un chat sur Reddit. Assez étonnant, ouais, ce chat. Il lui montre la route. Il a guidé jusqu'au. Ouais, il a un peu sauvé quand même, mine de rien. Très bien. Il lui a servi de chaperon, un peu. Oh, bon, j'ai été en forme ce matin. 7h07, bon début de semaine à tous. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25-52. Yeah. démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Dans 8 villes de France, les dermatologues viennent à votre rencontre et se retrouvent dans leur village. Voilà, donc votre peau est comme c'est votre patrimoine et quel que soit votre âge, vous pouvez saisir l'occasion unique de venir échanger avec ces professionnels de santé. Et nous, s'il n'y a pas de journée nationale d'organiser ici, bien on peut en tout cas se protéger la peau puisque... Et l'engin, j'ai la dalle. Ah ouais, mais il est 23h mon frère. Eh, pas grave, viens on démarre au Bilboquet Plage. Le Bilboquet Plage vous accueille jusqu'à minuit en semaine et minuit 30 le week-end, alors profitez-en. Découvrez notre offre Bilbo Ciné. Bénéficiez de 20% de réduction sur présentation de votre ticket cinéma du jour. Le carrelage et la faïence à prix cassé, c'est Courtois Revêt Sol Païta. Courtois Revêt Sol Païta, la bonne adresse pour les liquidations, les fins de série et les grosses quantités. Courtois Revêt Sol Païta, ouvert du lundi au vendredi, zone industrielle de Païta. Courtois Revêt Sol, le choix, la qualité, les prix. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Ici. Ailleurs. Je défends mon pays et toutes ses couleurs. L'armée de terre recrute. 15 000 postes à pourvoir. Votre volonté, notre fierté. S'engager.fr. Envoie Mel Gibson au 41. Mais non, c'est pas Mel Gibson qu'il faut envoyer, c'est Mel Bourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 41. Énergie t'offre un aller-retour pour deux personnes pour Melbourne. Validité. Plus d'images, plus de confort, plus d'émotions. 12 salles, 1500 places. 250 projections par semaine. 150 films par an. Ciné City. Un vaste parking éclairé. Un grand hall où l'on peut se désaltérer, se restaurer à volonté. Ciné City. C'est aussi des tarifs réduits et la carte Multipass. Renseignements au 29. Retrouvez l'info soir sur Énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. C'est de la bombe. Énergie, music only. Music only. Turn a cut to three. Press a button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Drift, switch, drift. Je peux le faire autant de fois que, aussi longtemps que je veux. Qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, mais vous êtes trop fort, c'est. Les bulletins, c'est l'urne que je re-secoue avec tous les bulletins de. Cul, moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. Étudiants, futurs étudiants, les aides de la province sud, c'est en ce moment. Va voir sur tazar.nc. Chic, les nouveautés sont arrivées chez Chouchous. Découvrez en exclusivité les chaussures Star Wars chez Chouchous. Chouchous, rue Sébastopol, une nouvelle surcouf et sur Facebook.

people waste their prayer, and without hearing what they say. Lord, they don't know you yet, they allowed you to Aïe, un instant sur Énergie. Tous les matins de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Il est 7h30 donc, et c'est une semaine qui sera placée sous le signe du théâtre cette semaine, donc avec le spectacle Elle qui, il y aura des places à gagner. Calédonie, les 4 seniors vainqueurs d'une médaille d'or ce week-end, dont Mindak, mais aussi phase de réveil. Les médecins ne se prononcent pas sur les séquelles qu'elle pourrait avoir, car elle a d'importantes lésions cérébrales. Le chauffard qui a pris la fuite reste lui toujours introuvable et la famille demande à cette personne de se rendre aux autorités. Le salon de Limo a eu du succès, la pierre n'a pas perdu son statut de valeur refuge, lancé jeudi soir en présence des institutionnels et des professionnels du secteur. Le salon de l'immobilier des Nouvelles-Calédoniennes a donc fermé ses portes hier après-midi sur un bilan positif. 4000 visiteurs sont venus à la rencontre des exposants et des intervenants. C'est 1000 de plus que l'année dernière. Dans le reste de l'actualité, Jacques Chirac est hospitalisé, de retour à Paris en provenance du Maroc où il séjournait avec son épouse Bernadette. L'ancien président âgé de 84 ans a donc été admis dimanche à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière pour une infection pulmonaire, alors que, comme à chacune de ces hôpitaux, aucun blessé. Samedi soir ensuite, aux alentours de 20h30, il y a une puissante explosion a secoué le quartier très fréquenté de Chelsea en plein cœur de Manhattan. La détonation semble-t-il survenue dans une benne à ordures et a fait 29 blessés légers. Et puis toujours samedi soir, alors que les télévisions américaines couvraient en boucle l'explosion de New York, un homme... Yeah. Détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Les nouveaux talents, c'est ce qu'on fait en général en début de semaine. Et celui-ci s'appelle Farid Chamaïk, saison 9 du Jamel Comedy Club. On connaît tous cette fille qui... Un truc de dingue. Personne t'écoute, tout le monde en a rien à foutre. Alors je me dis, bon, à un moment donné, tu vois, je suis là, je fais mes blagues, machin, et je vois un mec au fond de la salle, j'entends « Ouah !» Je me dis « Ça y est, je les ai enfin eus !» Non, c'était un mec qui venait de faire 25 ronds avec sa bouche, et genre... Le taré, mon frère. Je suis un mec à l'ancienne, j'ai 35 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon époque, t'embrassais une fille, tu rentrais chez toi, t'étais... C'est vrai, alors ma mère à 35 ans, elle trouve que c'est inadmissible que je sois pas marié, que j'ai pas d'enfant. Tous les ans, quand je pars en Algérie avec elle en vacances forcées, elle veut me présenter des femmes, enfin, ses cousines. Et elle m'a présenté Hafida, 35 ans, de Tizi Ouzou. Téléphone, les smartphones, tout ce genre de trucs, hein. Moi, j'ai pas connu ces trucs à l'époque où tu pouvais annuler un rendez-vous une minute avant le rendez-vous. À mon époque, tu voulais annuler un rendez-vous, t'allais au rendez-vous. Salut, je viens pour annuler le rendez-vous. Oui, parce que je suis malade, bâtard. C'est très bizarre. Alors, c'est vrai que c'est une époque difficile pour être en couple. Hein. Aujourd'hui, on ne sait plus trop qui est homme, qui est femme. Les hommes vont ressembler aux femmes. C'est tu vois, ces mecs dont je parle, même les Kaira, tu vois, SCH. Tu vois, Air Max, Banane Lacoste, Brushing. Non, ça, c'est un délire. Moi, à mon époque, les Kaira, ils étaient thug, tu vois. Tu sais, quand il a accosté une meuf, c'était hey « Hey, c'est quoi ton 06 ?» Mais non, c'est « Hey !» Tu vois, elle est à côté de moi, mais comme elle est à côté, je chiale. Et je chiale que d'un côté. Là, elle t'a vu, mais elle va pas te le dire tout de suite. Elle va te le sortir à un moment improbable, à un moment où tu vas pas t'y attendre. Hein. Tu seras là dans un moment intime. T'imagines, t'es persuadé d'être hétéro, tu vois deux gars s'embrasser, t'es là « Ah !»« Ah !»« Ah !»« Qu'est-ce qui se passe ?» Non, c'est super chaud. Et c'est pas dur d'être en couple aujourd'hui, c'est dur de le rester. Hein. Il faut résister à ce virus. Vous voyez ce que j'appelle le virus, monsieur? Cette meilleure copine de ta meuf qui lui donne des conseils de merde. Je sais pas si tu connais. Elle donne des conseils, elle a pas de mec. Elle a pas de taf. Mais putain, qu'est-ce qu'elle donne des conseils? Vous l'avez toute, cette connasse, dans votre entourage. Vous pouvez la reconnaître sur Facebook, c'est celle qui commente toujours les photos de ta meuf, tu vois. Elle est là, trop belle, ma chérie, machallah. Hey. Sur la photo, ta meuf a une tête comme ça. T'es trop belle, machallah. Alors je vous le dis les filles, cette connasse, vous la... Pas bonne. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mise. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. Tout dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'en saillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Vous vous écoutez Energy. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. Une inforoute avant de passer à l'anniversaire des célébrités. Il y a une voiture en panne dans le sens de rentrée de la ville, sous la passerelle verte piéton, là, de la SLN. La dame, elle, elle a 64 ans. Elle est attendue à l'affiche de la comédie de l'automne au cinéma, aux côtés de Thierry Lhermitte, qui s'appellera « Ma famille t'adore déjà ». Miss France 2009, elle vit actuellement aux États-Unis. Elle est maman d'un petit bébé, Chloé Marteau, à 27 ans. Top modèle et actrice Noémie Lenoir, à 36 ans. Top modèle, oui, actrice également. On l'a vu en 2002 dans un petit rôle dans Obélix et Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. On l'a vu également en 2005 dans La Doublure de Francis Weber. En 2007 dans Rush Hour 3 et en 2015 dans Le Transporteur Heritage. Inscription en août. CAP, BAC, BTS et bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage, moi le messager, oh. Tapas, cocktail, concert, le rendez-vous incontournable, c'est la Barca Baie des Citrons. La Barca, ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 2h du mat. Sans oublier l'afterwork tous les soirs. La Barca, le bar branché de la BD. Retrouvez toute l'actualité sur Facebook. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Simply Market. Jusqu'au 2 octobre, vos deux supermarchés Michel-Ange et Tontuta vous invitent à savourer un cocktail de prix cadeau. Et les derniers jours, profitez de remises sur vos produits Auchan. Alors, jusqu'au 2 octobre, soyez festifs, soyez Simply. Simply Market, Michel-Ange et Tontuta. Et on va rire au moins? Ben ça, t'es sûr, faut venir nombreux. Pas trop quand même, hein. Oh, oh, bref, le spectacle est le qui, c'est les 23, 24, 25, 29, 30 septembre et le 1er octobre au Centre culturel du Monde. Mais on fait comment pour réserver votre machin, là? Bah sur étiquette, papou, ou au 41 90 90. Besoin de créer ou refaire votre salle de bain? Socapore, robinetterie avec Duravit et... J'ai mal à l'âme, j'ai mal à l'homme. J'en ai fait le faire. Quand tu reviens. Vanderkroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au pléco. Ça se porte nature, mon petit. Pas très masculin de porter une jupe sans s'épiler les jambes, j'en conviens. L'Écossais, le vrai, a toujours son costume traditionnel à portée de main pour les grandes occasions comme les mariages, matchs de rugby et autres cérémonies. Pour trouver son origine, il faut remonter jusqu'en 1727, époque où un maître des forges des Highlands avait besoin de charbon pour son entreprise. Les ouvriers qui travaillaient pour lui étaient si pauvres qu'en guise de cache-sexe, ils n'avaient rien d'autre qu'un plaid enroulé autour de la taille. L'industriel a fait adapter ce plaid par un tailleur pour le commercialiser à plus grande échelle. Tenu des plus agréables, et j'en atteste, il est déconseillé de porter le kilt par vent fort. Un accident est si vite arrivé. J'ai tout vu. Désolé, c'en était un autre de vent fort. Sachez enfin qu'à la fameuse question « Que portez-vous sous votre kilt ?», la tradition veut que l'Écossais vous réponde « The future of Scotland ». L'avenir de l'Écosse. Avec les rides en moins, j'espère, parce que là... So, what ? Mettez un slip, Brendan Wilson. This is much better for the coconuts. Vous saurez tout dans la minute du professeur Vanderkroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Énergie, il est 8h et c'est encore au moins 3 jours de soleil qui s'annoncent dans notre ciel calédonien. Bonne fête à Émilie et à Amélie. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Avant la page de sport, on revient sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité en ce 19 septembre. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. En karaté, c'est une performance considérable pour la Calédonie. Les quatre seniors vainqueurs d'une médaille d'or ce week-end, dont Mindak, participeront donc aux Jeux mondiaux de karaté en juillet 2017 au Pérou. Le vent a manqué pour la 9e édition de la Blues Cops Race. Manolo Barlet, sur son kite folle, s'est montré le plus rapide pour allier Lansvata depuis le Faramédé. Et puis la victoire de Clément Colmas en stand-up paddle, il a mis un peu moins pulmonaire. Apparemment, il est conscient. Et puis, en l'espace de 12 heures, samedi, trois événements ont ravivé la crainte d'attaques terroristes aux États-Unis à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Et enfin, le parti au pouvoir, Russie Unie, a largement remporté les élections législatives organisées dimanche en Russie avec 44,5% des voix. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. On débute par la 5e journée de Ligue 1. Et en panne d'efficacité, l'OM et l'OL se sont quittés sur un triste match nul, 0 partout, ce dimanche au Vélodrome. Les Lyonnais sont donc 9e du championnat, les Marseillais 15e. Puis Saint-Etienne, qui a transformé son deuxième pénalty de la rencontre en toute fin. En revanche, l'Argentine s'est qualifiée donc pour la finale de la Coupe Davis au bout d'un 5e match décisif disputé entre Daniel Evans et Leonardo Mayer. L'Argentine l'Argentine retrouvera donc la Croatie en finale. Les Jeux Paralympiques, c'est fini. Et Pierre Ferbank en a terminé avec sa superbe Olympiade en prenant la 9e place du marathon, record personnel à la clé en 1h30 et 12 secondes. L'exploit aurait pu être plus beau encore puisqu'il ne termine qu'à 4 secondes de la médaille de bronze après 42 km. Le natif de Yengen, 45 ans, repart donc de Rio avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. C'est grandiose. Sinon, les Français terminent les Jeux Paralympiques à la 12e place du classement avec 28 médailles, dont 9 en or, 5 en argent et 14 en bronze. Les Jeux endeuillés. Et oui, le cycliste iranien Bahman Golbanerzad est mort samedi. Ce sportif âgé de 48 ans est tombé dans un fossé alors qu'il participait à une course. Il s'agit de la toute première mort dans l'histoire du plus grand événement mondial réservé aux sportifs handicapés. Au Grand Prix de Singapour, c'est Nico Rosberg qui l'emporte. Et parti en pole position, il a remporté une victoire magnifique, digne d'un futur champion du monde. Dimanche soir au Grand Prix de Singapour, son 200e en Formule 1, juste devant Daniel Ricciardo. Énergie, si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur. Je déteste, on va écouter Je te déteste. C'est horrible, c'est bien né. Je commence bien mon lundi, moi. Elle est où, elle est au fait, elle est où, Miss Mar? Mais elle est pas là. Eh ben non, elle est en retard. Ah mais oui, ah oui, mais c'est qui c'est qui JB? Tu t'en foutais, j'aurais tué l'espoir de pouvoir t'emmener. Je ne suis pas béant, ce que tu as laissé, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance.